nous avions eu les prises de bec. C'est pas la raison pour laquelle tu devais partir. Oubliant tes enfants, oubliant ta maison, oubliant tout ce qui était lié à toi. Hier soir nous avions eu les prises de bec. C'est pas la raison pour laquelle tu devais partir. Oubliant tes enfants, oubliant ta maison, oubliant tout ce qui était lié à toi. Tu as toujours fait la sourde oreille. Oubliant tes enfants, oubliant ta maison, oubliant tout ce qui était lié à toi. Notre plus beau cadeau que nous avions eu dans la vie, ce sont nos enfants. S'il leur arrive quelque chose, nous serons tous responsables. Quand une femme perd son mari qu'elle aimait bien, ça fait mal. Quand t'es non-père, autant ça fait tout aussi mal. C'est le divorce à sens unique. Oui, divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal, ça fait mal, mal. C'est le divorce à sens unique. Oui, divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal. Notre plus beau cadeau que nous avions eu dans la vie, ce sont nos enfants. S'il leur arrive quelque chose, nous serons tous responsables. Quand une femme perd son mari qu'elle aimait bien, ça fait mal. Quand un homme perd autant, ça fait tout aussi mal. C'est le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal. Ça fait mal, mal. C'est le divorce à sens unique. Oui, le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal. Quand la haine s'installe, c'est l'amour qui prend le large. Tel est bien le constat qui se dégage. Tous les jours on ne vit que les tels cas. Les hommes et les femmes qui se déchirent. Quand la haine s'installe, c'est l'amour qui prend le large. Tel est bien le constat qui se dégage. C'est le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Oui, le divorce à sens unique. Ça fait mal, ça fait mal, mal. C'est le divorce à sens unique. Oui, le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique. Ça fait mal. Dans un foyer, ce sont les enfants qui en sont les vraies victimes. Quand les parents ne s'entendent plus, SOS au service social, les enfants souffrent. Quand tout ceci advient dans un foyer, ce sont les enfants qui en sont les vraies victimes. Quand les parents ne s'entendent plus, oh, SOS au service social, les enfants souffrent. C'est le divorce à sens unique. Oui, le divorce à sens unique. C'est le divorce à sens unique.